Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son J'vais à la hauteur de mes pens, je vais arrêter ma libre expression Jour après jour à mon garde cloche, parce que je marche comme un vagabond Qu'on me regarde comme juste le démon, faut que ça provoque une frustration T'as pas mon style, mais change de direction De toute façon, j'ai pas besoin de ton attention Y'a trop de jaloux, prêt à tout, foire, j'suis mon crew Ça m'agresse même que ça me rend fou Mais on va se battre jusqu'au bout, j'ai une seule vie à vivre Ce qui fait que les critiques, je les esquive J'ai une seule vie à vivre, c'est pour ça que j'utilise ma salive Que je dérive, ceux qui suivent pas le rythme avec lequel on évolue J'sais pas combien j'en ai vu, des MC qui pensaient avoir pris le dessus Qui 6 mois plus tard ont déjà disparu Mais nous on s'est résolu qu'en 2002 faut le faire Ma garde un silence au débat absolu Jamais rien faire à votre insu, c'est ma devise sur instruit Puis peu importe les événements, on est sûrement pas là pour l'argent Mais bien pour conserver le mouvement, Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son Mais si t'aimes pas ce que je donne, j'espère que tu sais au moins pourquoi Tu chiales parce que ça a donné jamais rien de bon pour toi Arrêtez mentalement, tu dis jamais rien de positif C'est que tu mens tellement, gardant ton attitude stiff Mais je comprends pas, ça fait quand même au-dessus de 20 ans Que le rap se fait entendre fièrement, restant loin de l'enterrement Les choses changent, faudrait en prendre conscience L'énergie que je dépense, engage des consilences Mais bon, C'est silence que t'entends, c'est sûr que c'est tentant Présentement c'est tentant, encore à tort qu'on avance lentement Et si j'en dis certains qui sont dans le domaine C'est juste pour leur montrer où leur grande gueule les mène Dans le fond, je constate que je suis juste un MC de salon Pendant que tu faisais ton bad, ben moi je perfectionnais mon son Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son Dans le fond ce track là, dédié à ceux qui nous aiment pas C'est pas parce que tu dis, que tu peux te la jouer gangsta style, oh, tout pour satisfaire la demande We'll never stop jusqu'à ce que tout le monde se rende Quand on passe devant toi, c'est clair que t'as rien à dire Juste que tu me respectes, pas besoin que tu m'admires J'suis pas certain, nos lines vont réagir Tu peux battre la jug comme un wack sans réfléchir Fight Mike, silence audible, y'a rien de prévisible On expose ce qu'on a pour rendre nos actes visibles Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son Faut vivre l'évolution, y'a juste une solution Faut qu'il y ait l'absolution de ceux qui souillent notre son